الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وصلى الله على نبيه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، il n'échappe à personne ce qui se passe actuellement à travers le monde comme ce qu'ils appellent une pandémie de ce virus, qu'ils appellent le coronavirus, et qui a fini par se répandre dans le monde entier. Donc de là, j'aimerais tourner une nasiha à mes frères face à cette épreuve qui nous touche tous en réalité, et certains plus que d'autres, mais principalement ceux qui sont au milieu des mécréants, pour qui nous considérons cette pandémie comme étant un azab min Allah azza wa jal, comme étant un châtiment d'Allah sur eux, sur les kuffars. Wa yaqul Allah azza wa jal, wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa. Craignez une épreuve, une fitna, qui ne touchera pas que ceux qui ont été injustes parmi vous. Malgré cela, le musulman ne doit pas perdre espoir, et quelle que soit la situation qu'il vive, même malgré lui, il doit regarder, relativiser et regarder le bon côté des choses et en tirer profit. Qu'il arrive à analyser ce qui se passe autour de lui et en tirer profit pour lui et sa religion. Donc j'aimerais faire tarliqa sur le fameux hadith de Aïcha, rapporté par Bukhari, relatif à ce sujet. Fa'akul musta'inan billah, qalat annaha sa'alat rasulullah sallallahu alayhi wa sallam an ta'un. فأخبرها أنه كان عذابا يبعثه الله تعالى على من يشاء، فجعله الله تعالى رحمة للمؤمنين، فليس من عابد يقع في طاغون فيمكث في بلده صابرا محتسبا يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له، إلا كان له مثل أجر الشهيد. رواه البخاري. كعائشة مère des croyants رضي الله عنها أم عبد الله interrogée le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم à propos du Taroun. Taroun, c'est traduit comme étant la peste. S'il prouve que cela existait à leur époque. Il lui a informé qu'il s'agit d'un châtiment que Allah envoie sur qui il veut, et que Allah en a fait une miséricorde pour les croyants, et qu'il n'y a pas de croyant qui soit atteint par ce Taroun, cette maladie, qui reste, demeure dans son pays, endurant, et murtasiman, c'est-à-dire qu'il recherche la récompense en cela, en sachant que il ne sera atteint que parce que Allah lui a prédestiné. Et celui qui fait cela n'aura d'autre récompense que la récompense du shahid, du martyr. Fa'ad al-hadith, c'est jour si l'on entend beaucoup. Donc on aimerait, inshallah, s'arrêter sur certains paragraphes pour l'expliquer brièvement. Bi'aunillahi ta'ala. Fi qawlihi fa'akhbaraha أنه كان عذابا يبعثه الله تعالى على من يشاء. Qu'il a informé qu'il s'agit d'un châtiment que Allah envoie sur qui il veut. C'est-à-dire sur les peuples transgresseurs. Car le châtiment d'Allah Azza wa Jal, fi hadi dunya, est pour les peuples transgresseurs. Et comme on l'a dit, il se peut que ce azab touche des gens qui sont au milieu de ces peuples transgresseurs. وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً. Et craignez une fitna qui ne touchera pas que ceux qui ont été injustes parmi vous. Et le mal des koufars, il est apparent, clair, et plus le temps avance, et plus leur combat envers l'islam est flagrant, et devient sévère. Et ceux qui s'opposent au à lui et d'Allah, comme encore l'État Allah, man adali waliyan, faqad azantu bil harb. Et celui qui s'oppose à mes alliés, je lui déclare la guerre. Et tout croyant pieux est un wali d'Allah. Donc nous, on a pour croyance que ce virus envoyé sur les koufars wa azab min Allah ya azza wa jal sur eux. ثم قال فجعله الله تعالى رحمة للمؤمنين, et que Allah il en a fait une miséricorde pour les croyants. Car Allah azza wa jal, il est une rahma qui est large pour tous et une qui est particulière pour les croyants, comme encore هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات الى النور وكان بالمؤمنين رحيما. Il est celui qui fait votre éloge, qui fait salat sur vous, ainsi que ses anges, pour vous sortir des ténèbres vers la lumière, et les certes miséricordieux envers les croyants. Car il y a une différence entre les gens. Il y a une différence entre le croyant, même entre les mu'min et le kafir. Am najjalul ladhina amanu wa amilu s-salihat, kel mufsidina fil ard, am najjalul muttaqina kel fujjar. Allons-nous mettre ceux qui ont cru et qui ont œuvré dans le bien comme les corrupteurs sur terre? Allons-nous faire des gens pieux comme les pervers? Afana jalul muslimin et kel mujilmin, allons-nous rendre égaux entre les muslimines ainsi que les criminels? Cela, Allah Azza wa Jalla lui-même, que ce n'est pas possible. Et malgré tout, comme on l'a dit, ce châtiment qui touche les koufars en particulier, malgré tout, Allah mazal rahiman bihim, que malgré tout, reste miséricordieux envers eux. L'innahu yakul walau yuakhidhullahu nas bi zulmihim, ma taraka alayha min dabba. Que si jamais les gens prenaient vraiment les gens pour leur injustice, ils ne le seraient aucun être vivant sur terre. C'est-à-dire que, malgré tout cela, ce qui les touche comme mal est moindre par rapport à ce qu'ils pourraient mériter en réalité. Mais Allah Azza wa Jal, yarhamuhum. Et on a connu dans le passé, dans ce que les historiens rapportent, par rapport aux autres pandémies, que celle-ci, jusqu'à présent, elle est vraiment modique. Par rapport aux pandémies de peste qui ont lieu dans les siècles précédents. Jusqu'à présent, ce qui arrive là actuellement, là, c'est léger. C'est très léger. وَنَسْأَلَ اللَّهَ يَرْحَمْ عِبَادُ الْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِدْ عَلَيْهِمْ وَنْ يَزِدْ عَلَى أَعْدَائِهِمْ. Qu'il fasse miséricorde à ses croyants, serviteurs croyants pieux, et qu'il rajoute à ses ennemis. Après, il dit, فَلَيْسَ مِنْ عَبْدٍ يَكَوْفِ تَارُونَ. Qu'il n'y a pas de serviteur qui soit atteint par le Taroun. Et là, le serviteur dont il parle, c'est le serviteur, celui qui est d'une ubudiyya khassa. Servitude qui est particulière, car la servitude, elle est de deux sortes. Celle qui est générale, qui concerne tout le monde. Tout le monde. Même les anges, même les djinns, même les hommes, même les koufars. Et il y a celle qui est ubudiyya khassa. La servitude qui est particulière. Celle de ces croyants qui, eux, ont admis et ont accepté, par le tawfiq d'Allah Azza wa Jal, de se soumettre à ses lois législatives et de croire en lui. Donc là, ce hadith parle de ce serviteur-là. Al-ubudiyya khassa. فقال فيمكث في بلده صابرا محتسبا. Qu'il reste dans son pays en endurant, en patientant et en cherchant la récompense. Et هذا c'est le hukm shar'i dans ce genre de situation. Comme قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموه عليه وإذا وقع بأرض وأنتم فيها فلا تخرجوا فرارا منه. Que si vous entendez justement d'une terre qui est atteinte par ce taroum, par cette maladie, alors ne vous y rendez pas. Et que si jamais il touche une terre dans laquelle vous vous trouvez, alors n'en sortez pas pour le fuir, en vue de le fuir. Car même fuir de cette maladie-là, si Allah la qaddar, al-firar, la yanfa'akum min al-maut, qala ta'ala, aynama takounu, yudrikumul maut, walau kuntum fi burujin mushayyada. Où que vous soyez, la mort vous atteindra. Serait-ce même que vous soyez dans des tours renforcées. Car fuir, tu ne sauras fuir de cette maladie si Allah te l'a prédestinée. Et si jamais tu en es atteint, tu vas toucher les autres et répandre le mal, contribuer à ce que le mal se répande. Donc c'est ça leur mouchalek, c'est de rester là où la personne elle est. Et quand il dit Yamkuthu fi baladi sabiran, il reste patient. Sabr, cette patience, en islam, a été définie comme étant Habs en nefs à la ta'atillah. Le fait de se maintenir, de maintenir l'âme sur l'obéissance d'Allah Azza wa Jal. Ya ayyuhallazina amanu, ista'inu bis-sabri was-salah. Inna Allaha ma'as-sabirin. Ô vous qui avez cru, recherchez de l'aide ou de secours à travers la patience et la salat. Et que certes, Allah est avec les patients. Donc, dans le verset, Allah il nous dit qu'il faut chercher de l'aide en patientant et par la salat, c'est-à-dire l'adoration. Donc on maintient notre âme qui, elle, veut sa liberté dans le sens où elle veut faire ce qu'elle veut, on la maintient sur l'obéissance d'Allah Azza wa Jal. Kadhalik al-sabr, c'est habs al-nafs an ma'siyatillah. C'est le fait de maintenir son aise de la retenir, de l'empêcher de désobéir, justement, le contraire. Comme a dit Ta'ala, قُلْ إِنِّيَ خَوْفُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابِ يَوْمٍ عَظِيمٍ. Dit certes, j'ai peur que si jamais je désobéisse à mon Seigneur d'un châtiment, ou plutôt d'un jour douloureux, d'un châtiment douloureux. Donc le sahabi, il a peur que s'il désobéisse, de l'être atteint d'un mal par la suite. Et parmi les définitions les catégories de la patience, justement, habs et nefs, quand même, ala aqdarillah. Et kazalik, le fait de maintenir son âme, de la faire accepter ce que Allah aura décrété. Wala nabluwannakum bi shay'in min al-khawf wal-jou' wa naqsin min al-amwal wal-anfus wath-thamarat fabashshir as-sabirin. Nous allons certes vous éprouver par un peu de peur, un peu de faim, et par les pertes de biens, ou à réduction des biens, et des proches, et des fruits, c'est-à-dire la nourriture, alors fais la bonne annonce aux patients. La bonne annonce aux patients, ceux qui acceptent cela malgré tout, et qui font face. Car à la fin du verset, Allah yakoul, wa ulaika hum muhtadun, et ceux-là sont les bien guidés. On se rappelle ce hadith de cette femme noire qu'a cité Ibn Abbas à Atta ibn Rabah lorsqu'il lui a dit Ala adulluka ala mra'atin min ahli al-jannah, ne vais-je pas te montrer une femme parmi les gens du paradis? Il a dit bala. Il a dit cette femme noire que tu vois là. Kana tusla'u wa tatakashafu. Elle avait des crises comme des crises d'épilepsie, c'est-à-dire elle s'évanouissait, elle tombait, et malgré tout, malgré elle, elle se découvrait. C'est-à-dire, ses parties se découvraient, car le vêtement se levait, ou elle avait les cas. Fadhabat il al-Nabi, sallallahu alayhi wa sallam. Elle s'est rendue auprès du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Fakoralet, ud'ullah li an yashfiyani. Invoque Allah pour moi, qu'il me guérisse. Qalalaha al-Nabi, sallallahu alayhi wa sallam, in sabarti falakil jannah. Wa in shitti da'atullahi an yu'afiyak. Il lui a dit quoi? Si tu patientes, tu auras le paradis sur ta maladie. Mais si tu le demandes, je demande à Allah qui te guérisse. Elle a choisi quoi? Elle a fait preuve de patience. Et d'irtisem. Elle a dit, sa asbiru, je vais patienter. Cependant, je me découvre, demande à Allah que je ne me découvre plus. Elle a pensé à quoi à ce moment-là? À sa religion, à son honneur. Au minimum, que même si elle tombe si elle s'évanouit, qu'elle a des crises, qu'au minimum, que ses parties ne se découvrent pas aux yeux des gens. Hada wal sabr. Hada wal sabr. Et dans le hadith, il dit sabiran muhtasiban, c'est-à-dire qu'il reste en patientant, et muhtasiban, c'est le fait de rechercher la récompense en cela. Yani l'irtisab, le mot muhtasib, ça vient du masdar irtisab. Parmi ces sens qui concernent là le hadith de Aïcha, c'est tarab al ajr min Allah bi sabri ala al bala. مطمئنة النفس المحتسب غير كارهة النماء نزل بها أو نزل بها من البلاء. C'est le fait de rechercher la récompense d'Allah azawajal en patientant sur l'épreuve, tout en étant, en ayant l'âme apaisée, c'est-à-dire celui qui est éprouvé à son âme apaisée, sans avoir de répulsion pour ce qu'il subit. C'est-à-dire, il voit le bon côté de la chose. Il voit le bon côté de la chose. Ce qui lui arrive comme épreuve, en apparent, est un mal, mais au fond, il sait que si jamais il fait preuve de comportement légiféré, il va en tirer de la récompense. Une récompense qu'il n'a peut-être pas pu avoir même en faisant 10 000 salawats. Quand dans le hadith est venu, qu'il y a des manzilas que Allah il accorde le djennah à des gens, qui n'auraient jamais pu avoir par les adorations, ou par les sadaqas, ou par autre. Et c'est pour ça que Allah les éprouve, afin justement qu'ils puissent atteindre ce degré-là, par l'épreuve. La maladie, ou la perte de biens, comme dans le verset. Comme dans les versets. Donc c'est une bonne annonce pour qui? Pour le sabir muhtasib. Celui qui endure, qui patiente, et qui cherche la récompense. Comme a dit le hadith Abi Sa'id, wa kadhalika Abi Hurayra, radiyallahu anhuma, anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam qala, ma yusibu al-muslima min nasabin, wala wasabin, wala hammin, wala hazanin, wala adha, wala ghammin, hatta shoka yushakuha, illa kafarallahu biha min khatayah. Qu'il a dit qu'il n'y a aucun musulman qui soit atteint de fatigue ou de maladie, de tristesse, de soucis ou de toute autre nuisance, ne serait-ce même qu'une épine qui le piquerait sans que Allah ne lui expie par cela ses fautes. Mais cela en faisant comment? Avec le sabre, la patience et l'ihtisab. Ibn Mas'ud s'est rendu auprès du Nabi sallallahu alayhi wa sallam alors qu'il était malade. Il subissait une maladie très dure. Il lui a dit, « Ya Rasulallah, innaka tu'aku wa'akan shadida. » Tu es certes subi une maladie qui est très intense. Quand il a ou bala, « Inni u'aku kama yu'aku arajulan minkum. » Il a dit, « En effet, je subis ce que subiraient deux hommes d'entre vous. » Il lui a dit, « Ibn Mas'ud, avalika biennalaka ajrain. » Est-ce que cela du fait que tu auras deux récompenses? Il a dit, « Ajal. » Il a dit, en effet, c'est pour cela. ثم قال, ما من مسلم يصيبه أذى شوكة فما فوقها إلا كفر الله بها سيئاته. Il a dit qu'il n'y a pas de musulman qui ne soit atteint par un mal, ne serait-ce qu'une épine qui le piquerait, sans que Allah ne l'expulse de ses fautes. Mais ça, c'est à quel moment? Au moment où il patiente. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن عباس, إن عظم الجزاء ما عظم البلاء. Que la grandeur de la récompense, de la rétribution, est en mesure de l'épreuve. وَقَالَ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى إِذَا حَبَّ قَوْمًا ابْتَلَاهُمْ. Que si Allah il aime un peuple, il les éprouve. فَمَنْ رَضِيَ فَلُوا رِضَى وَمَنْ سَخِطَ فَلَا سُخْطَ. Et celui qui agrée, il aura l'agrément d'Allah. Celui qui se rebelle et qui s'irrite, il aura la colère d'Allah. Donc, qu'est-ce qu'il est demandé? C'est ça l'ertisseb. Tu patientes, tu acceptes, tu fais face, et tu reviens vers Allah subhanahu wa ta'ala. Quand bien même cela toucherait autre que toi, un de tes proches, ta mère, ton père, tes enfants, ça reste la même chose. Comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, comme a dit Allah azza wa jal, ma li 'abdi al-mu'min 'indi jazaa' idha qabadtu safiyah min ahli ad-dunya illi ihtasabahu thumma ihtasabahu ila al-jannah. Qu'il a dit qu'il n'y a pas de récompense pour mon serviteur croyant près de moi si jamais je l'éprouve par la perte d'un de ses proches et qu'il recherche la récompense en cela sans qu'il n'ait le paradis. Qala thumma ihtasabahu, c'est-à-dire qu'il recherche la récompense à travers ce décès, à travers cette perte. Comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ma zal al-bala bil mu'min wal mu'mina fi nafsihi wa mali wa ahlihi hatta laqiya Allah yawm al-qiyamah wa laysa lahu khati'atun. Que le musulman croyant ou croyante ne cesse d'être éprouvé dans sa personne, dans ses biens, dans ses proches, d'accord, jusqu'à rencontre Allah yawm al-qiyamah, et qu'il n'y a plus rien sur lui comme péché. C'est-à-dire tout ce qu'il aura été, tout ce qu'il aura subi comme épreuve, et qu'il aura patienté et fait preuve d'irtisab, cela lui aura coûté de perdre de ses péchés. Que ses péchés lui soient effacés. Souma fil hadith, yaqulu an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, ya'lamu annahu la yusibuhu illa ma kataballahu lahu. Et il sait, d'ailleurs cet homme qui ne part pas de ce pays-là, il sait qu'il sera atteint que ce que par Allah lui a prédestiné. Hadha min arkan al-iman. C'est parmi les pistes de la foi, le fait de croire au destin, que ce soit bon ou mauvais. Qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, al-iman an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawm al-akhir wal qadri khayrihi wa sharrihi. La foi, c'est de croire en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses messagers, au jour dernier et au destin, qui soit bon ou mauvais. Comme qala ta'ala, qul lan yusibana illa ma kataba Allahu lana wa mawlana wa alallahi. Dit, nous ne serons jamais atteints que ce que Allah nous a prédestiné, et qu'il est certes notre allié, celui qui nous porte secours, et que c'est sur Allah que les croyants doivent passer leur confiance. Dans le hadith d'Ibn Abbas, qu'est-ce qu'il lui a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam? Il a dit, wa'alam anna ma asabaka lam yakun yukhti'aka wa anna ma akhta'aka lam yakun yusibaka. Il a dit, sache que ce qui t'a atteint devait t'atteindre, et ce dont tu as été épargné ne devait pas t'atteindre. Quoi que tu fasses, ce qui t'a été prédestiné te viendra. Ça te viendra. Yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala, wa in yamsaska Allahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu, wa in yamsaska bikhayrin fa huwa ala kulli shay'in qadir. Que si Allah te touche d'un mal, seul lui peut te l'enlever. Si il te touche d'un bien, alors sache qu'il est omnipotent. Wa in yamsaska Allahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu, wa in yuridka bikhayrin fala radda li fadlihi. Que si Allah te touche d'un mal, nul ne saura l'ôter en dehors de lui. Et qu'il jamais te veut un bien, nul ne saura le repousser. Nul cela ne saura repousser sa grâce. Et il atteint qui il veut parmi ses serviteurs, et il est le pardonneur et le miséricordieux. Donc celui qui est atteint par ce mal, dans l'irtiseb, c'est qu'ils se rapprochent d'Allah par l'ibadat, l'adoration. Car s'en éloigner, justement, c'est s'éloigner du seul qui est en mesure d'ôter ce fléau qui te touche, ce mal qui te touche. Il t'en a atteint, c'est lui qui t'enlèvera. Qu'est-ce que Allah attend de toi? Que tu l'adores. Donc, réduire des adorations, c'est la dernière chose à faire. Et là, j'ai enfin un tambi par rapport au fatwa de nos mashayikh, qui, eux, ont vu qu'il n'était pas une solution que de fermer les masajid et de délaisser les salawat en jama'a, en groupe, ou le jumu'at. Car les ibad, ils en ont besoin. En délaissant cela, ils risquent de s'éloigner encore plus d'Allah, subhanahu wa ta'ala, et d'être dans la rofla, l'intention. Cependant, ces fatwas-là ont été émises avant que d'autres pays ne se mettent à agir de la sorte. Pour ne pas penser que les mashayikh ont appelé ce que les gens désobéissent. Là, ceux qui sont dans un pays dont les salawat en groupe ont été interdites par mesure de prévention contre ce virus, ils obéissent au gouverneur à ce moment-là. Et ils se plient à ces lois-là. Mais cela n'empêche pas de faire ce qu'ils ont à faire chez eux. L'homme, salat avec sa femme, ses enfants, s'il peut avec son voisin, ou à Akada. Donc ne pas compenser que ces fatawa sont un appel à la révolte, pas du tout. C'est juste comme ils l'ont dit, pour montrer c'est quoi à la base le hukm shari dans cette situation. Car comme l'a dit notre cher Yahya, des épidémies antérieures ont déjà été connues, plus graves que celle-ci, et on n'a jamais eu connaissance que les savants ont mis comme fatwa de que les gens devaient arrêter de se réunir en masjid pour se prévenir de ce genre de maladie. Wallahu ta'ala alam. Donc ça c'est un tambi par rapport à ça. Donc Allah Azza wa Jal, il enlève le bala, l'épreuve, justement, par notre obéissance et par nos actes d'adoration. Comme on l'a dit au début, وَاسْتَعِينُ بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. Et chercher de l'aide et du secours par la patience et la salat. Comme grand exemple que nous avons dans le Coran, Nabiuna Ayyub alayhi salam, Ayyub, celui qui a été nommé dans la Bible comme étant Job. Son histoire est connue, qui a été atteint d'une grande maladie et qu'il a perdu tous ses proches, tout le monde l'a fui. Comme a dit Ta'ala, « وَأَيُّبْ إِذْ نَادَ رَبَّهُ وَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ. » Parce que Ayyub a appelé son Seigneur, il lui a dit « Le mal m'a touché et tu es le plus miséricordieux des miséricordieux. » فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَذِكْرَى لِلْعَابِدِينَ. Et nous l'avons répondu et nous avons ôté le mal qui le touchait. Et nous l'avons rendu sa famille et en nombre égal, c'est-à-dire le même qu'il a perdu, il lui a rajouté le même nombre. Cela par miséricorde de nous et un rappel pour les dévots. C'est-à-dire l'histoire de Ayyub est un rappel pour nous. C'était l'histoire du malade, touché d'une maladie très grave, qui faisait fuir les gens, il a patienté, il a adoré son Seigneur, il a fait l'irtiseb, tout lui est revenu, même en décuplé, et cela est un rappel pour nous. Wa kadhalik Yunus, alayhi salam, son histoire elle est connue. Lorsqu'il a voulu appeler son peuple, Allah Azza wa Jal, ceux-ci n'ont pas répondu, il est parti avant d'accomplir sa mission. Il est monté sur un bateau, qui par la suite a été pris d'une tempête. Et que les gens font un tirage au sort pour savoir qui devait sortir du bateau afin de pouvoir sauver leur vie. Et le tirage au sort est tombé 3 fois sur Yunus. Il ne voulait pas que ce soit lui qui saute à la mer. Et pourtant, c'est tombé sur lui. Il s'est jeté à la mer. Et de là, il a été avalé par un animal marin. Un poisson. Ou une baleine. فَقَالَ قَالَ تَعَلَى فَالْتَكَمَهُ الْحَوْتُ وَهُوَ مُلِيمُ فَلَوْلَا إِنَّهُ كَانَ مِنْ مُصَبِّحِينَ Et que là, il était avalé par le poisson. Et que s'il n'avait pas été du nombre des musabbihin, c'est-à-dire ceux qui font le tasbih, et Satan interprétait cela comme étant la salat, il serait resté dans le ventre de ce poisson-là jusqu'au jour où ils auraient été ressuscités. C'est-à-dire que ce qu'il a été la cause de sa sauvegarde, c'était ses adorations. En dehors, avant que la chose ne lui arrive, et durant que l'épreuve lui arrivait. Azala qala zikala Allah ta'ala. وَذَالُونَ نِذَهَبَ مُغَادِبًا فَظَنَّ أَلَّا نَجْدِلَ عَلَيْهِ فَنَادَ فِي ظُلُمَاتِ أَلَّا إِلَّا إِلَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ. Lorsque Zalun, c'est Yunus, s'en est allé en colère et pensait que nous saurions l'atteindre pour ce qu'il a fait. Il a appelé dans les ténèbres, c'est-à-dire dans le ventre du poisson, en disant « La ilaha illallah, gloire à toi, je te sers du nom des injustes. » Alors nous lui avons répondu et nous l'avons sauvé justement des flots, c'est-à-dire de l'épreuve qu'il subissait, et c'est de la sorte que nous sauvons les croyants. Donc cela, c'est un ders pour nous. Comme a dit Allah, « Inna fi zalika al-ibratan lil absar » Il y a certains cela, une leçon à tirer pour les doter d'intelligence. Que nous, notre sauvegarde, elle vient par le retour vers Allah Azzawajal. Délaisser l'adoration ne contribuera pas à nous sauvegarder, tout comme le fait d'être privé, de se voir privé, de pouvoir l'adorer malgré nous, cela est une chose, est une épreuve encore plus grande, qui doit nous inciter à nous remettre en question. Voir que nous sommes privés de faire la salawat en groupe, de pouvoir faire la umrah, d'avoir les jumu'ah, c'est une chose qui doit nous montrer que là, on est touché dans notre religion. Et être touché dans sa religion est encore plus grave qu'être touché dans sa santé. Wallahi. Car le malade atteint d'une maladie, que ce soit le coronavirus ou autre, il est amené justement à se repentir, à demander pardon et à revenir vers son Seigneur. Comme tous les hadiths qu'on a cités auparavant. Une cause de retour. Combien de gens ont fait tawba après avoir vu la mort devant leurs yeux? Quitte à mourir en tant que je meurs alors sur la taqwa. Donc cela, c'est une chose qui ne nuit qu'à ton corps, à ton physique. Mais être privé d'adoration, c'est une chose qui va nuire à ton cœur. C'est une chose qui va nuire à ton cœur. Et cela est bien plus préjudiciable pour nous. Cela est une plus grande épreuve d'être touché d'une privation d'adoration que d'être touché d'une maladie. Et les exemples ont été cités comme Ayoub qui est touché par la maladie. D'accord. Et par la suite, il a patienté, il a fait preuve d'irtisab et le foraj, la délivrance lui est parvenue. Ensuite, dans le hadith, il dit « Illa kana lahu misl ajr shahid » c'est-à-dire celui qui est dans son pays, qui patiente, qui endure les mortacib, sa récompense sera la même que celle du shahid, du martyr. C'est-à-dire même si tu en meurs. « Yaqullah azza wa jal, wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi iznillahi kitaban mu'ajjala » qui n'en revient pas à une âme de mourir avant que Allah n'ait prescrit son heure. Tu ne mourras qu'au moment où tu devras mourir. Comme encore l'État Allah, « Wa li kulli ummatin ajal » فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَغْفِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ et que chaque communauté a son délai qui lui est déjà décrété. Et que lorsque leur délai leur vient, ils ne sauront ni le retarder, ni l'avancer. Donc lorsque la mort te vient, où que tu sois, fais en sorte, comme encore le Ta'ala, وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ de ne mourir qu'en étant en pleine soumission. De ne mourir qu'en étant sur l'islam, croyant, et sur l'istiqama. Wa'akada. Donc pour revenir à la récompense du shahid, du martyr, yaqulu an-nabi sallallahu alayhi wa sallam ibn Abbas ou an Anas, at-tahun shahadat li kulli muslim, que la peste est un martyr pour chaque musulman, celui qui est atteint de cette maladie là, il est shahid. Car le nabi sallallahu alayhi wa sallam a interrogé les compagnons en leur demandant qui est le shahid parmi vous. Et ils ont dit, Man kutila fi sabilillah, fa huwa shahid. Celui qui est tué, sur le sortie d'Allah, c'est-à-dire au combat, c'est lui le shahid. Fa qala, inna shuhada ummati idhan qalil, illa qalil. Il a dit, se basant sur cette compréhension, ça veut dire que les shuhada dans ma communauté sont très peu, sont peu nombreux. Ils ont dit, alors, qui sont les shuhada, qui sont les martyrs au message d'Allah? Il a dit, Man kutila fi sabilillah, fa huwa shahid. Celui qui est tué, sur le sortie d'Allah, il est shahid. وَمَنْ مَاتَ فِي الطَّاغُونَ فَوَا شَهِدٌ celui qui meurt de la peste, il est shahid. وَمَنْ مَاتَ فِي بَطْنٍ فَوَا شَهِدٌ celui qui meurt d'une maladie qui touche à son ventre, il est shahid. Même la femme qui meurt par son accouchement, elle est concernée par cela. فِنِي فَسِهَا elle est shahid. Et dans une version, il a rajouté وَالْغَلِقْ شَهِدٌ et celui qui est mort noyé, il est shahid. Et dans une version وَالْحَلِقْ celui qui meurt brûlé, il est shahid. Et celui qui meurt enterré vivant, enseveli sous un immeuble ou autre, il est shahid. Bien sûr, le shahid de la maraka de la bataille a des mérites plus grands et des règles qui sont spécifiques en ce bas monde. Mais dans l'au-delà, ce sont tous des shuhada. Et celui qui patiente et qui reste et qui cherche la récompense également, il aura cette récompense-là. Pour finir, car le musulman, il est entre la peur et l'espoir. La peur, elle est là, sans aucun doute. Mais l'espoir, faut se le rappeler également. surtout nous, pour nous les musulmans, chose qui ne touche pas les kuffars. Comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Nabi Yahya Suhayb, قال عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير. Il a dit quand même surprenante, étonnante l'affaire du musulman, car il n'y a que du bien pour lui. وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن, et que cela lui est exclusif, cela n'est que pour le croyant, pas pour le mécréant. إن صابته سراء شكر فكان خيرا له. Si jamais un bien le touche et qu'il le remercie, cela est meilleur pour lui. وإن صابته ضراء صبر فكان خيرا له. Que si un mal le touche et qu'il patiente, et la patience, on l'a expliqué auparavant qu'est-ce qu'elle veut dire, et qu'il patiente, cela est meilleur pour lui, rapporté par un musulman. Donc dans ce moment-là, le musulman, il évite de se comporter d'un comportement animalier comme on peut voir chez les kuffars. Inna shara dawab 'inda Allah alladhina kafaru fa hum la yu'minun. Car les pires des bestiaux auprès d'Allah sont les ceux qui ont mécru, car ils ne croient pas. Donc le musulman, il a une noblesse, il a un comportement à avoir, une attitude à suivre, qu'elle est parmi les fils de Adam, comme encore le Ta'ala, « وَلَقَدْ كَرَّمَنَا بَنِي آدَمْ وَحَمَّلْنَهُمْ فِي الْبَارِ وَالْبَحْرِ وَرَزَقَنَهُمْ لِلْطَيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. » Nous avons certes honoré les fils de Adam, et nous avons porté sur terre et sur mer, et nous leur avons octroyé des meilleures choses, et nous l'avons préféré à beaucoup de ce que nous avons créé. Donc à la base, le fils d'Adam, il est noble, et le croyant, c'est le, comme on dirait, c'est l'élite des fils de Adam. C'est l'élite des fils de Adam. Donc, on n'a pas à venir à en venir aux mains, aux actes de violence, pour de la nourriture dans les magasins, d'être pris de panique, et d'avoir un comportement outrancier et rabaissant. Surtout pour de la nourriture, par peur de pénurie. Yaqulu an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, lan tamut nafsun hatta tastawfiya jami' rizqiha. Qu'une âme ne saura mourir avant qu'elle ne prenne tout ce qui lui a été prédestiné comme risque. Donc, où est l'intérêt d'aller se battre et d'aller faire des mukharafats en vue d'avoir telle et telle nourriture, par peur de mourir de faim? Et de notre risque, depuis dans le ventre de nos mères, elle a été écrite comme dans le hadith d'Ibn Mas'ud. Lorsque l'ange y vient, au bout de 4 mois dans le ventre de la mère, « Yu'maru bi arba kalimat biqit liskihi wa ajulihi wa amalihi wa sa'ilu shakiyun » qui lui écrit son temps de vie, qui lui écrit sa subsistance, que ses œuvres sont écrites et qu'il lui écrit, est-ce qu'il sera parmi les bienheureux ou les damnés? Donc tout cela est écrit. Donc on le rappelle, Al-Aham lana, An-Namuta, Iza ja'an al-Maut, An-Namuta, Muslimin. Le plus important pour nous, si la mort nous vient, que nous soyons en France, que nous soyons à Riyad, à Mecca, à Al-Madina, que nous soyons que nous soyons même au Yémen ou n'importe où, وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. Ne mourrez qu'en étant en pleine soumission. Ne mourrez qu'en étant en pleine soumission. Donc là, à notre stade, au vu des événements actuels, nous devons plus nous alarmer de voir nos masajids fermés et interdits de faire le tawaf, les circuits rituels autour de la Kaaba, ou les Alika, plutôt que de voir des symptômes de la toux ou de la fièvre. Il y en a un, il est physique, et l'autre, il est religieux. Et notre capital, c'est notre religion. Notre capital, c'est notre religion. Fallah, Allah, ya ibad Allah. On doit craindre Allah Azza wa Jal. Comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ittaqillah haythuma kunt. Crains Allah en toute situation. En toute situation. Et là, quelques hadiths qui sont connus par la plupart d'entre vous ont été cités en guise de rappel. Les nafs awalan ou l'ikhwani ba'd dhalika. Fanas'al Allah bi ihsani wa rahmati wa karami an yahfazana wa yahfaz hadhihi al-umma min kulli su'in wa makruh wa yasrif 'anna al-bala wa yuwaffiqna lis-sawab wa yujannibna ma yadurruna wa yuwaffiqna lima yuhibbu wa yardah wa bi hadha al-qadr naqul subhanaka wa bihamdik la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.